Matanga ya mfula yoko sakanela na desert bakolela. Nani abungi motema sanduku. Nani ayanulanga tina. Pona nini yoko milela lela pamba e. Yosali mwana nzambe. Kudushlumbu nelito masivi. Batuni soki na kanga yo na mono baye ba mawa mingi Maiki siko la simba kate Papa peki sa wuta mokongo na ye Kone livu daba Anino matabishi Paul Vanture Ona ninyo komi lela lela pamba ye Yozali mwana zambe Toute la journée kaka WhatsApp Yeah Ah yeah Batouni soki na kanga yona kimbanzi baye Ba wa mingi Friska lo bono Kimbanzi nga na kanga ka kombo ya manananga Mena tubela yango na sango mokonzi Zambe alimisa mabenyo sona sala Papito mbala Elle rouge la biver Nana koye bate Daltonia Chuma Yele yele yele bolingogo Mama mama ye Yele yele yele bolingogo Aye mama ye Elle rouge la biver Nana koye bate Daltonia Elle mi bolingo na yoye komi ya kombo Chemi la mole Elle rouge la biver Nana koye bate Daltonia Balle des vacances en couleur où y a été Zala Kaboïté. Yele yele yele bolingo. Mama ye. Yele yele yele bolingo. Mama ye. Komi ya ba daltonye. Alembi bolingo na ye. Komi ya ba daltonye. Lelo bouche lo biver nana kwe bate daltonye. La la la mpongite ye. Na koli ya na kotonda te. Susi ya moto yu na linga kaye. Oyo wa luba ki embeli nga kanga Papanse sena ye Mabanzo sena ye Aye Yele yele yele Mama mama me Yele yele yele bolingogo Mame ye Mame ye Komi ya ba daltonye Daltonye Mame ye komi ya kombondela Lelo rouge lo biver Nana kwe bate Daltonye Konini police e kanga kate Yele yele yele Babu Makamu Yele yele yele bolingo Nale mi bolingo na yoye Eric Mandala Nale mi bolingo na yoye Komi ya kombo Rami Amish Lelo rouge lo biver Nana kwe bate Daltonye Yela Si vous battez mieux sur tout bas Si la gare le quadra Le banini Si vous n'avez le banini Les anabino Basseur mieux surtout, basseur mieux surtout, ma bibi mieux surtout. Mon beauté, Christian le Sakoué, notre au Congo. Kaki Akiewa. JR et Obi, Maître Kasi, Pokémon. Alexis Azulino. Thank you. puis bon matin la sima tu m'aimes ou pas il a coûté la caga basser c'est quoi le bayaya c'est vraiment le cas qui gagne tout au cabane tout c'est la cabou tout c'est mieux à l'éloter hein allez toi bien la rumbo Serge Mouloso et Dinia Kanoa trésor Lukusa file les montagnards Africa numéro 1 les lobes Virginie Manganga, Joey Star. Et le rouge le biver, nana kwe bate. Tracy Bila, Simolo.